24 carats, 24 magnum, 24 balles, moi quand je te voyais garé, 44 magnum, KN magnum, rafale de plomb, te laisse avec des caries. Il faut une Cali, il faut une Cala, il faut une Rari, faut pas faire de crari. 3-4 Lambo, ou le RR, j'mis dans le RR, non c'est pas Dubaï, c'est que la cité, Montreuil sous bois, beaucoup de coupables, beaucoup de sous-boys, beaucoup de boys, beau, ça fait beaucoup d'adresses, j'tombe comme la coupole. RS6, j'fais monter la plus bonne, la plus belle, elles aiment trop la vie d'artiste, j'les baisse, les jette à la poubelle. T'aimes les luxe et les lovés, j'suis mauvais, j'vais rien te donner. A 200 sur le compteur, copine, j'vais te casser ton cœur. T'aimes les luxe et les lovés, j'suis mauvais, j'vais rien te donner. A 200 sur le compteur, tu crois encore qu'on peut me sauver. J'sais pas ce que je vais faire ce week-end, mais y'aura des mexicaines. J'ai le cœur en céramique, j'fais comme si tu m'excitais. Du bon shit à la cité, ça pédave comme en Jamaïque. Veux-tu rejoindre le gang, veux-tu rejoindre la ligue. J'sais pas ce que je vais faire ce week-end, mais y'aura des mexicaines. J'ai le cœur en céramique, j'fais comme si tu m'excitais. Du bon shit à la cité, ça pédave comme en Jamaïque. Veux-tu rejoindre le gang, veux-tu rejoindre. Allez, rentre dans la cour, ou tu préfères esquiver. Tu préfères le faire, ou guetter ce qu'il fait. Le plus malin c'est pas celui qui l'ouvre, c'est celui qui se tait. Celui qui t'achève sur les prix, qui roule en merc au dernier cri. Qui ravitaille tous les ratés, qui récupère tous les intérêts. Toujours accompagné de son Beretta, il vient du 9-3, pas de Levallois Perret. Il joue de la guitare, pas d'opéra, il attend pas les gens pour opérer. C'est nous les fauteurs de trop, la rue peut te faire des trous. Baignant dans ton sang, on te laisse un poil en topless. T'aimes les luxe et les lovés, j'suis mauvais, j'vais rien te donner. A 200 sur le compteur, copine, j'vais te casser ton cœur. T'aimes les luxe et les lovés, j'suis mauvais, j'vais rien te donner. A 200 sur le compteur, tu crois encore qu'on peut me sauver. J'sais pas ce que je vais faire ce week-end, mais y'aura des mexicaines. J'ai le cœur en céramique, j'fais comme si tu m'excitais. Du bon shit à la cité, ça pétave comme en Jamaïque. Veux-tu rejoindre le gang, veux-tu rejoindre la ligue. J'sais pas ce que je vais faire ce week-end, mais y'aura des mexicaines. J'ai le cœur en céramique, j'fais comme si tu m'excitais. Du bon shit à la cité, ça pétave comme en Jamaïque. Veux-tu rejoindre le gang, veux-tu rejoindre la ligue.